السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، chers frères et sœurs, nous sommes dans la deuxième assise de la lecture et l'étude de l'épître Fada'ilul Qur'an, les mérites du Qur'an du noble Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nous continuons avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Nous lui demandons de nous assister et de nous octroyer la réussite. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضائل القرآن باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. Le chapitre de la crainte pour celui qui ne comprend pas le Coran, qu'il soit du nombre des hypocrites. Ceux qui ne comprennent pas le Coran sont de deux catégories. La première catégorie, ce sont ceux qui ont du mal dans la compréhension du Coran, mais qui fournissent les efforts nécessaires pour le comprendre et ne se détournent pas du Coran. Ceux-là ne sont pas visés par la menace de ce chapitre. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ne comprennent pas le Coran car ils se détournent délibérément. Ils se détournent délibérément du Coran et n'ont pas envie de le comprendre. De même, ils ne lui donnent pas d'importance. Ceux-là sont ceux qui sont concernés par la menace de ce chapitre. قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك. Dans le sens rapproché du verset, et il en est parmi eux qui t'écoutent une fois sortis de chez toi. Dans la continuité du verset, ils disent à ceux qui ont reçu la science, qu'a-t-il dit tantôt? Sourate Muhammad, verset 16. L'imam As-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, dit en commentaire de ce verset, et il en est parmi eux, c'est-à-dire, il y a des hypocrites parmi eux qui t'écoutent à titre de distraction, le cœur insouciant, et qui ne cherche pas par l'écoute la vérité ni la soumission. Dans ce noble verset, il y a la crainte de ressembler à ces gens qui écoutent le Coran mais n'en comprennent rien. Ceci dû à leur mauvaise intention, leur suivi des passions, et du fait qu'ils se détournent volontairement du Coran sans lui donner de l'importance. قال المؤلف l'auteur du livre a dit وقوله عز وجل وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Dans le sens rapproché du verset, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Ceux-là sont les insouciants. Sourat al-A'raf, verset 179. L'imam al-Baghawi, rahimahullahu ta'ala, a dit en commentaire de ce verset, « Allah informe qu'il a créé beaucoup de djinns et d'hommes qui sont destinés au feu. Et cela, selon sa science et sa sagesse parfaite. » Ensuite, l'imam, rahimahullah, dit plus loin, « Allah décrit ces gens qui sont destinés au feu. Ils ont des cœurs, mais ne raisonnent pas. C'est-à-dire, ils ne distinguent pas par cette raison le bien et la guidée. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. C'est-à-dire, ils ne voient pas le chemin de la vérité et de la droiture. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. C'est-à-dire, ils n'entendent pas les exhortations du Coran, ne les méditent pas et ne tirent pas de leçons du Coran. » Ensuite, Allah Azza wa Jal donna un exemple. Ils sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Ils sont comme les bestiaux car leur seul souci est de manger, boire et jouir des passions. Mais ils sont plus égarés car les bestiaux font la différence entre ce qui est nuisible et profitable pour eux. Ils n'avancent pas dans ce qu'il y a de nuisible. Quant à ces gens, ils avancent et se dirigent avec entêtement vers le feu en ayant connaissance de la perdition. Fin de citation. Dans ce noble verset, il y a la crainte de faire partie de ces gens qui ont des cœurs mais ne raisonnent pas, qui ont des yeux mais ne voient pas la vérité, qui ont des oreilles mais ne saisissent pas le ou l'essence du Coran. Nous voyons à travers ces différents versets la crainte de ne pas comprendre le Coran et de faire partie des hypocrites, qui ne comprennent pas le Coran quand bien même il leur serait lu. Allah Azza wa Jal les a privés du bienfait de la compréhension du Coran, et ceci dû à leurs mauvaises intentions et leur suivi des passions, également du fait qu'ils se sont détournés du Coran. Il est donc obligatoire à chaque musulman de faire les efforts nécessaires pour comprendre le Coran, de faire les efforts nécessaires dans la méditation du Coran. On demande à Allah Azza wa Jal de nous instruire dans sa religion et de nous permettre de comprendre sa parole qui est le Coran. L'auteur du livre passe au chapitre suivant. Il dit « Babu qawlillahi ta'ala wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun » Chapitre de la parole d'Allah, dans le sens du verset. Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des prétentions et ils ne font que des conjectures. Sourate Al-Baqarah, verset 78. L'imam As-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, dit en commentaire de ce verset, « Il y a parmi eux, c'est-à-dire parmi les gens du livre, des illettrés, c'est-à-dire des gens de la masse qui ne font pas partie des gens de science, qui ne savent rien du livre hormis des prétentions, c'est-à-dire ils n'ont aucune science ni connaissance du livre, hormis la simple lecture du livre. » L'imam Ibn al-Qayyim ainsi que l'imam al-Baghawi, rahimahumallah, ont également expliqué le terme al-amani, prétention, comme étant la simple lecture dénuée de compréhension. L'auteur du livre, rahimahullah, veut à travers ce chapitre nous montrer que la simple lecture du livre n'est pas un objectif en soi, mais un moyen pour atteindre l'objectif de la méditation et de la mise en pratique. قال المؤلف l'auteur du livre a dit وقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Dans le sens rapproché du verset, l'exemple de ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à l'âne qui porte des livres. Sourate Al-Jumu'ah, verset 5. L'imam Al-Baghawi, rahimahullahu ta'ala, dit en commentaire de ce verset, l'exemple de ceux qui ont été chargés de la Torah, c'est-à-dire Ils ont été chargés de la propager et d'œuvrer en fonction de ce qu'elle contient, mais ne l'ont pas appliquée, c'est-à-dire ils n'ont pas œuvré en fonction de ce qu'elle contient et ne lui ont pas donné son droit. Ils sont pareils à l'âne qui porte des livres, c'est-à-dire des livres de science. Comme l'âne qui porte des livres de science mais qui ne sait pas ce que ces livres comportent et ne profite pas de ces livres, de même, les gens du livre lisent la Torah mais n'en tirent pas profit car ils contredisent ce qu'il y a dans la Torah. Fin de citation. Nous voyons à travers l'explication de ce verset que la simple lecture ne suffit pas, mais cette lecture doit être accompagné de méditation et de mise en pratique. قال المؤلف رحمه الله عن أبي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم رواه الترمذي وقال حسن غريب. D'après Abi Darda, radiallahu anhu, qui a dit, nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand soudainement il leva le regard vers le ciel. Puis il dit, voici un moment, un temps, où la science sera soustraite des gens, au point où les gens ne pourront rien prendre de la science. Ziyad ibn Labidin al-Ansari, radiallahu anhu, dit, comment est-ce que la science peut-elle disparaître alors que nous lisons le Coran? Par Allah, nous lirons le Coran, nous le lirons à nos femmes et enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que ta mère te perde, ô Ziyad, je te comptais pourtant du nombre des savants de Médine. Voici la Torah et l'Évangile entre les mains des Juifs et chrétiens, ils n'ont pourtant pas tiré profit de ces livres. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ta mère te perde, ô Ziyad, ce n'est pas le vrai sens qui est voulu par cette expression, mais on veut par cette expression attirer l'attention sur une erreur ou autre. Le grand savant, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala, a dit en commentaire de ce hadith, ce qui est voulu par la science dans ce hadith, c'est la compréhension du livre et de la sunna. Il dit, beaucoup de gens apprennent par cœur et lisent avec les règles de tajwid. Ils lisent avec les 10 lectures, mais ne saisissent aucun sens du Coran. Il dit, ce qui est demandé, c'est de comprendre et de mettre en pratique. Il dit également, il y a dans ce hadith une incitation à comprendre le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les mettre en pratique. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous octroyer une science profitable. قال المؤلف رحمه الله l'auteur du livre a dit, l'auteur passe au chapitre suivant, il dit باب اسم من فجر بالقرآن, le chapitre du péché que prendra celui qui transgresse par le Coran, c'est-à-dire celui qui transgresse par le Coran, c'est-à-dire la personne qui va utiliser le Coran pour appuyer et approuver son égarement. L'auteur du livre, à travers ce chapitre, met en garde contre ce genre de procédé, d'utiliser les versets du Coran dans le faux et de donner à ces versets un sens erroné. قال المؤلف, l'auteur du livre a dit, وقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين, dans le sens rapproché du verset, mais il n'égare par cela que les pervers. Surat al-Baqara, verset 26. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Dans le sens rapproché du verset, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Sourate Al-Ma'ida, verset 44. L'imam al-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, a dit en commentaire de ce verset, « Le jugement d'après les lois autres que celles révélées par Allah fait partie des agissements des négateurs. Ce peut être même une forme de mécréance qui fait sortir de la religion si celui-ci veut rendre licite une chose qu'il ne l'est pas. Ce peut être également un grand péché. » Plus loin, l'imam al-Sa'di, rahimahullah, rapporte la parole de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, concernant ces versets, qui a dit « C'est une forme de mécréance en deçà de la mécréance. » Le grand savant, le Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, a dit en commentaire de ce verset « C'est une forme de mécréance en deçà de la mécréance. » Ceci si la personne approuve et a pour conviction que juger par la loi d'Allah est obligatoire et que juger par autre que la loi d'Allah est interdit. Quant à celui qui juge par autre que la loi d'Allah et qui a la conviction que cela est permis et qui croit que juger ou qui croit que juger par autre que la loi d'Allah est meilleur, alors ceci est de la grande mécréance. De même, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, a expliqué ce verset en disant « Si la personne qui juge par autre que la loi d'Allah a pour conviction que cela est permis ou meilleur ou égal, alors ceci est une grande mécréance qui fait sortir de la religion. Mais s'il a la conviction que juger par la loi d'Allah est obligatoire et que juger par autre que la loi d'Allah est interdit, mais qui a fait cela par passion, ou pour rechercher un bien mondain, alors il a certes commis un grand péché, mais qui ne le fait pas sortir de la religion. » Les Khawarij ont utilisé ce verset contre les musulmans à l'époque des compagnons. Ils ont voulu à travers ce verset approuver leur égarement. Ils l'ont donc utilisé à mauvais escient, l'ont utilisé contre les croyants et ont tué un grand nombre d'entre eux. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء أخرجاه. D'après Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il sortira de cette communauté un peuple de gens dont les prières vous feront mépriser les vôtres. Ils liront le Coran, mais cette lecture ne dépassera pas leur gorge ou leur gosier. Ils sortiront de la religion comme la flèche qui sort du gibier. Au point où le chasseur regarde le bout de la flèche, il ne voit pas de sang. Ceci pour montrer la rapidité avec laquelle ils sortent de la religion. Ce hadith concerne Al-Khawarij. Les Khawarij sont une secte égarée qui rendent mécréants les musulmans, les croyants, sur la base du fait qu'ils commettent des grands péchés. Nous voyons à travers ce hadith que ces gens ont beaucoup d'adoration et qu'ils prient beaucoup, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous allez mépriser votre prière. » De même, il a été rapporté de Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il est allé débattre avec ces gens, lorsqu'il arriva à hauteur de leur demeure, il dit « Il a entendu comme des bourdonnements. » Ceci dû à leur récitation du Coran. Nous voyons donc à travers ce hadith que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la conformité et la sincérité. C'est pour cela que certains pieux prédécesseurs disaient « Le peu d'adoration dans la sunna est meilleur que beaucoup d'adoration dans l'innovation. » Nous voyons également à travers ce hadith que ces gens lisent le Coran, mais leur lecture ne dépasse pas leur gorge, c'est-à-dire qu'ils ne le comprennent pas, et par cela, ils transgressent par le Coran. Nous comprenons alors que la simple lecture du Coran ne suffit pas, mais il faut avoir la bonne compréhension du Coran. قال المؤلف رحمه الله تعالى l'auteur du livre a dit وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق وقال إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما voyait que ces gens, الخوارج, étaient les pires des créatures. Il dit, ils ont utilisé les versets qui sont descendus sur les mécréants et les ont utilisés sur les croyants. Nous voyons à travers ce récit que Al-Khawarij ont transgressé par le Coran en utilisant les versets qui sont à la base descendus sur les mécréants, ils les ont utilisés sur les croyants. Nous voyons à travers ces différents récits, ces différents textes, le danger de transgresser par le Coran en voulant approuver une passion ou un égarement. C'est pour cela qu'il est essentiel de calquer sa croyance et sa compréhension du Coran à la compréhension des pieux prédécesseurs et à leur tête les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin jusqu'au jour dernier. L'auteur du livre passe au chapitre suivant. Il dit « Babu ismi man raya bil Qur'an » Le chapitre du péché de celui qui par le Coran fait preuve d'ostentation. C'est-à-dire celui qui lit, apprend, enseigne le Coran pour autre qu'Allah, pour un bien mondain, pour des éloges, pour qu'on dise de lui qu'il est savant, pour qu'on dise de lui qu'il est lecteur ou autre. قال المؤلف لوتر جليف أدي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فقال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم. D'après Abi Huraira radiallahu anhu qui a dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire le premier qui sera jugé le jour dernier sera un homme mort au combat. On le fera venir, Allah lui fera reconnaître tous ses bienfaits. Allah lui dira, qu'as-tu fait de ces bienfaits? Il dira, j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je sois tombé, martyr. Allah lui dira, tu as menti, mais tu as fait cela pour qu'on dise de toi que tu n'as peur de rien, que tu es courageux. Et certes, cela a été dit. Ensuite, on ordonnera que cette personne soit traînée sur son visage, et jeté dans le feu. Ensuite, un homme savant qui a étudié la science l'a enseigné et qui a lu le Coran. Allah lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui. Il lui dira, qu'as-tu fait de cette science? Il dira, j'ai étudié la science, je l'ai enseignée et j'ai lu le Coran pour toi. Allah lui dira, tu as menti. Tu as appris cette science pour qu'on dise de toi, tu es un savant et pour qu'on dise de toi, tu es un lecteur. Et certes, cela a été dit. puis on ordonnera de le traîner sur son visage et de le jeter dans le feu. Ensuite, un homme à qui Allah Azza wa Jal a accordé de ses largesses dans les biens, on le fera venir, Allah lui fera reconnaître ses bienfaits, il les reconnaîtra, Allah lui dira « Qu'as-tu fait de cette richesse ?» Il dira « Je n'ai pas laissé un seul chemin dans lequel tu aimes qu'on dépense pour toi, sans dépenser pour toi. » Allah lui dira « Tu as menti, mais tu as fait cela pour qu'on dise de toi que tu es généreux. » Et cela a été dit. On ordonnera alors qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Nous voyons à travers ce hadith la menace sévère pour celui qui accomplit des actes d'adoration pour autre qu'Allah. De même, nous voyons également qu'il est obligatoire d'œuvrer pour Allah et d'être sincère dans les différents actes d'adoration. Nous voyons également dans ce hadith que les œuvres, aussi nombreuses qu'elles soient, si elles ne sont pas pour Allah, alors le serviteur ne tirera aucune récompense auprès d'Allah. D'ailleurs, il a été rapporté dans le hadith authentique que lorsqu'Allah Azza wa Jal rétribuera les serviteurs le jour dernier, il dira à ceux qui ont été touchés par l'ostentation, allez retrouver ceux envers qui vous faisiez acte d'ostentation et voyez et regardez alors s'ils ont de quoi vous rétribuer. Il est donc obligatoire d'apprendre, d'enseigner, de lire le Coran pour Allah Azza wa Jal, et de ne pas chercher à travers cela les éloges des gens, le regard des gens ou autres. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de l'ostentation et de réformer nos intentions. L'auteur du livre passe au chapitre suivant, il dit « Bab ismi man ta'akkala bil Qur'an » le chapitre de celui qui mange par le Qur'an ou le chapitre de celui qui cherche à acquérir des biens mondains à travers le Qur'an, c'est-à-dire celui dont son intention est de s'enrichir par le Qur'an. Celui dont son intention et de s'enrichir par le Coran, et non de se rapprocher vers Allah Azza wa Jal. قال المؤلف رحمه الله تعالى, l'auteur du livre a dit, وعن عمران أنه مر برجل وهو يقرأ على قوم, فلما فرغ سأله, فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به رواه أحمد والترمذي. D'après Imran رضي الله عنه, qui passa par un homme qui lisait le Coran sur les gens. Il a été rapporté dans d'autres versions que cette récitation était la récitation de la sourate Yusuf. Lorsque l'homme termina sa récitation, sa lecture, il demanda de l'argent de par cette récitation. Imran, qui a vu cela, dit aussitôt « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » « Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. » J'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Quiconque lit le Coran, qu'il demande à Allah par le Coran. » C'est-à-dire qu'il va demander ses différents besoins à Allah Azza wa Jal de par sa récitation du Coran. Car viendront des gens qui réciteront le Coran et demanderont aux gens des biens mondains. Et ce hadith a été rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi. Nous voyons à travers ce hadith l'interdiction de chercher à travers le Coran des biens mondains, ou de chercher à s'enrichir à travers le Coran. Car le Coran a été révélé pour être médité et mis en pratique. De même, la lecture du Coran est une adoration à part entière. à travers laquelle on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Il est donc interdit de chercher à s'enrichir à travers le Coran. D'ailleurs, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a été interrogé sur une personne qui prie la prière de Tarawih pour les gens et qui conditionne cela à de l'argent, à une somme bien précise. L'imam Ahmed de dire « Nous prenons refuge auprès d'Allah ». Ensuite, il a dit « Et qui est-ce qui va prier derrière ce genre de personne » C'est-à-dire, qui peut prier derrière ce genre de personne? Le noble cheikh Saleh Al-Fawzan a expliqué ce récit. Il a dit « Ceux qui sont visés par ce récit, c'est ceux qui en font, c'est ceux qui mettent des conditions. » C'est-à-dire, leur but est la recherche des biens mondains et non pas le fait de se rapprocher vers Allah Azza wa Jal. Il dit « Quant à celui qui reçoit quelque chose ou un salaire pour cela, alors il n'y a pas de mal en cela. » De même, la personne qui est imam ou qui enseigne le Coran et reçoit un salaire, alors il n'y a pas de mal en cela, comme cela a été détaillé par les gens de science. À titre d'exemple, le grand savant, le Cheikh Abdelaziz ibn Baz, ainsi que le Cheikh Ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahumallah, ainsi que le Cheikh Salih Al-Fawzan. Bien sûr, il faut que la personne doit avoir comme but à travers son enseignement du Coran, de se rapprocher vers Allah. Et ne doit pas avoir comme intention de s'enrichir ou d'en faire un fonds de commerce. فنكتفي بهذا القدر. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine بإذن الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. On demande à Allah Azza wa Jal de nous compter parmi ceux qui prêtent l'oreille à la parole d'Allah et suivent ce qu'elle contient de meilleur. On demande à Allah Azza wa Jal de réformer nos intentions, de nous préserver de l'ostentation et de nous octroyer une science bénéfique. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.